Section 6. Des chansons de Bilitis. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Les chansons de Bilitis, par Pierre Louis. Section 6. 26. L'amie complaisante. L'orage a duré toute la nuit. Sélénice, aux beaux cheveux, était venue filer avec moi. Elle est restée de peur de la boue. Nous avons entendu les prières, et serrées l'une contre l'autre, nous avons empli mon petit lit. Quand les filles couchent à deux, le sommeil reste à la porte. « Bilitis, dis-moi, dis-moi, qui tu aimes ?» Elle faisait glisser sa jambe sur la mienne pour me caresser doucement. Et elle a dit, devant ma bouche, « Je sais, Bilitis, qui tu aimes. Ferme les yeux, je suis Lycas. » Je répondis en la touchant, « Ne vois-je pas bien que tu es fille ? Tu plaisantes mal à propos. » Mais elle reprit, « En vérité, je suis Lycas. Si tu fermes les paupières, voilà ses bras, voilà ses mains. » Et tendrement dans le silence, elle enchanta ma rêverie d'une illusion singulière. 27. Prière à Perséphone. Purifiée par les ablutions rituelles et vêtue de tuniques violettes, nous avons baissé vers la terre nos mains chargées de branches d'olivier. Ô Perséphone souterraine, ou quel que soit le nom que tu désires, si ce nom t'agrée, écoute-nous, ô chevelue de ténèbres, reine stérile et sans sourire, Coclis, fille de Thrasymachos, est malade et dangereusement. Ne la rappelle pas encore. Tu sais qu'elle ne peut t'échapper. Un jour, plus tard, tu la prendras. Mais ne l'entraîne pas si vite, ô dominatrice invisible, car elle pleure sa virginité. Elle te supplie par nos prières, et nous donnerons pour la sauver trois brebis noires non tondues. 28. La partie d'Osselet. Comme nous l'aimions toutes les deux, nous l'avons jouée aux osselets. Et ce fut une partie célèbre, beaucoup de jeunes filles y assistaient. Elle amena d'abord le coup des Kyclopes, et moi le coup de Solon, mais elle le Calibolos, et moi, me sentant perdue, je priais la déesse. Je jouais, j'eus l'Épiphénon, elle le terrible coup de Chios, moi l'Antitecos, elle le Trichias, et moi le coup d'Aphrodite, qui gagna l'amant disputé. Mais la voyant pâlir, je la pris par le cou et lui dis tout près de l'oreille, pour qu'elle seule m'entendît, « Ne pleure pas, petite amie, nous le laisserons choisir entre nous. » 29. La quenouille. Pour tout le jour, ma mère m'a enfermée au gynécée, avec mes sœurs que je n'aime pas et qui parlent entre elles à voix basse. Moi, dans un petit coin, je file ma quenouille. Quenouille, puisque je suis seule avec toi, c'est à toi que je vais parler. Avec la perruque de laine blanche, tu es comme une vieille femme. Écoute-moi. Si je le pouvais, je ne serais pas ici, assise dans l'ombre du mur et filant avec ennui. Je serais couchée dans les violettes sur les pentes du Taurus. Comme il est plus pauvre que moi, ma mère ne veut pas qu'il m'épouse. Et pourtant, je te le dis, ou je ne verrai pas le jour des noces, ou ce sera lui qui me fera passer le seuil. 30. La flûte de Pan. Pour le jour des Hyacinthies, il m'a donné une syrinx faite de roseaux bien taillés, unie avec de la blanche cire qui est douce à mes lèvres comme du miel. Il m'apprend à jouer, assise sur ses genoux, mais je suis un peu tremblante. Il en joue après moi, si doucement que je l'entends à peine. Nous n'avons rien à nous dire, tant nous sommes si près l'un de l'autre, mais nos chansons veulent se répondre. Et tour à tour nos bouches s'unissent sur la flûte. Il est tard. Voici le chant des grenouilles vertes qui commence avec la nuit. Ma mère ne croira jamais que je suis restée si longtemps à chercher ma ceinture perdue. Fin de la section 6. Enregistrée par Nathalie Mussard.